De toute façon, Jean-Pierre. De toute façon. D'accord. C'est quoi les accords? On ira tous au paradis. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Avec les ça doit être ça, les accords. On ira tout ça. J'écoutais ça quand j'étais gosse avec mon frère. En paradis. Oui, c'est ça. Moi, je la joue en. Je la joue en sol. C'est pas grave, on va faire en sol. On ira tous au pas. Et il va revenir en concert à notre ami Michel. Je vais aller le voir. Si j'ai des sous, putain, parce que c'est cher. Qu'on soit béni. C'est super, il y a des sites, tu peux pas copier les paroles tellement il y a de la publicité. Quoi. Bourré de pub. L'argent, le fric, toujours là. C'est bon, je crois que j'ai les paroles. Fais celle-là, après j'arrête tes conneries. On ira. Ah, ça. Ah, ouais, ça va. Il manque des paroles. Attends, je cherche les paroles. On ira tous au paradis. J'essaie de la jouer avec tempo, si tu veux jouer. 3, 4. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis. C'est pas les bonnes mesures. Hein. Putain, je sais pas si je sais jouer ça. On ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Toutes les bonnes sœurs et tous les pauvres. Toutes les brebis. Putain, j'arrive pas à le jouer, bordel. Thank you. qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, tous les brebis. Quand on n'arrive pas à faire un morceau, putain. En version reggae, ça serait bien. Y'a pas du reggae là? Attends, je vais mettre un rythme de reggae. Merde. Un rythme de reggae. Jah Rastafari, un morceau qui s'appelle Vision of Jah. J'ai eu une vision de Jah. Jah, tu sais ce que c'est Jah? Qui c'est Jah? Tu sais qui c'est Jah? Tu connais Jah? Parce que moi je connais Jah. Putain, 29 pistes. 29 pistes. Non, moi je veux juste la piste de batterie. Moi. Elle est où la piste de batterie? Charlie, nous avons un problème. Il y a trop de pistes. Batterie. Qu'est-ce qui ressemble? Ah putain, il y a petite Marie qui est restée, c'est comme ça. Ah non, ça n'a pas marché. Attends, je cherche un morceau de batterie de reggae. Seulement, il y a Francis Cabrel qui me passe en vide. Où es-tu, Cabrel? Ah, bon, on va pas prendre la vision de Jah. Dub in the dance. Ça y est, t'as téléchargé, tac. Allez, viens, petit. On va te foutre ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 39 pistes mid. Non, ça va pas, non? Pas un truc avec moins de pistes. Hein. Roots and frites. Du roots et des fruits. Et un petit peu de ganja aussi. Ah putain. Je peux pas. La page assez baissée. Putain, c'est quoi ça? C'est pas bon de lire. Askum Aksum Dub. Il y a besoin vraiment de 17 pistes pour faire du reggae? Non. C'est où les drums? C'est ça les drums? Ah d'accord. C'est quoi ça? Ça, ça pète des drones. C'est pas la bonne piste, c'est pas grave, on va essayer de trouver. T'inquiète, on va trouver la piste du drone. Ça doit être le piano. C'est la basse ? Poubelle. Oh putain, mais j'ai tout. Ah non. C'est bizarre cette batterie. Hein. C'est quoi cette batterie là ? Un mec qui s'est renversé dans la batterie. Oh, franchez ces reggae man. Franchez ces Rastafari. Qu'est-ce que c'est que ce morceau là ? Bon, on va en prendre un autre. J'arrive pas avec nous. J'arrive pas avec nous. On doit pas être des vrais reggae man, c'est pour ça. Quoi. Mountain Dub. Voilà, du dub de la montagne, c'est bon ça. Tu fais du VTT et après tu fais. Ah non, il est où Mountain Dub ? Mountain Dub. Ah non, et Mountain Dub s'appelle Messian. Ah oui, les dreads du Messie. Parce que Jésus avait les dreads. J'avais oublié ça. Joe Rastafari ! Joe Rastafari ! Alors, allez où la batterie ? Ça, ça ressemble à de la batterie, ça va ? Oh, c'est bizarre. On va pouvoir faire quelque chose. Savoir où est-ce que ça commence. On va voir l'intro. C'est où le début de ce rythme de reggae là ? Tan tan tan. C'est ça ? Par où il commence la mesure de reggae ? Ah non, j'ai oublié un truc. Perdu, là. Je suis perdu, putain. Je suis perdu dans ce truc de reggae là. Oh merde, t'en fais chier, je l'enlève. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là ? Ça devait être bien, mais... On peut y arriver. Hein. Bon, je remonte par là-haut. Ah, un truc où il y a Babylone. Si j'avais oublié, quoi. Babylone la grande. La mère des prostituées. Tu connais Babylone ? Attention, parce que si tu fais partie de Babylone, tu ne seras pas sauvé avec les Rastafari. Ah ! C'est mieux, là. Ça me parle plus. Clic local. Il y a un piano là. Ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Il va falloir entre... Duplicate. Attends, on va trouver une autre piste qui allait avec, parce que pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce morceau. Mettre un autre piano derrière. Ah, voilà. Ça va être la basse, ça. Je vais mettre la basse en orgue. Merde, il est où le truc? Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien ça. Je vais le caler. Oh, Rastafari, fais tourner la ganja. Rastafari, fais-nous planer, mon gars. On va le caler. C'est bien ça. Merde, ça veut pas se caler. Ah oui, alors quand c'est ça, faut faire tac. Après tu te remets là, c'est compliqué les machines. Rasta JP, Rasta Farai, Rasta JP. Ils sont où les Rigman? Elle est où la basse? Ça c'est la basse. On va la trouver. La basse, je vais la mettre en orgue. What is Rastafari toi? Guitare. Tu veux bien avoir une guitare? On va faire que des claviers, toi. Attends, on va faire duplicate. Dub, ce truc, il manque un truc. On va laisser tourner. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mmh. J'ai trouvé les 8 mesures pour faire du rasta. Et toi, t'as juste à trouver les accords sur ton clavier. Attends, putain, mais il fait quoi ce synthé? Tac, attends. T'es prêt pour faire le rasta? Allez, vas-y, j'y fais, vas-y, chantez-nous la chanson du reggae. J'enlève les synthés et tu peux jouer les accords du clavier. On va enlever ces accords de synthé. Ah, il en reste encore, je sais pas où il est passé. Essaye deux accords. Tu prends les plus faciles, quoi. Je sais pas. Même avec deux doigts. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon ça. C'est bon ça. pareil. C'est bien ça. Ouais, moi j'arrive pas à me caler sur le truc. Décalé. Des fois, j'essaie d'en faire un peu. Attends, c'était quoi le morceau de